c'est fou. 89.1. Écoutez-nous en direct sur le web. Vous êtes à C'est fou. 89.1. Trois-Rivières. Vous êtes à C'est fou. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage de Geek. Alex Marchand sera des nôtres pour discuter des activités de l'AGAUQTR. Et David Perron s'entretiendra avec la charmante et talentueuse Rosie Valor, le chanceux. Assemblage de Geek commence tout de suite. Assemblage de Geek pour toi, aujourd'hui. Assemblage de Geek pour toi, aujourd'hui. Assemblage Rocky en ce jeudi 17 novembre 2016, à 161 jours dans la fin d'année scolaire, autant dire des studios de C'est fou à Trois-Rivières, je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Salut Tania. Ça va bien? Oui, mais l'important c'est toi, est-ce que ça va bien? Oui, ça va très bien. C'est le lendemain, enfin, ok, on va revenir en arrière un petit peu. Oui. La semaine passée, t'avais manqué les palmarès C'est fou. Oui, par douleur. Par douleur dentaire, on pensait que tu t'étais fait enlever une dent, finalement c'était pas ça, on a su que t'avais pris des antibiotiques pendant une semaine, et là tu t'es fait finalement enlever la dent hier, mercredi. Exactement. Et ça s'est passé comment? Ça s'est pas bien été, en fait. J'imagine que ma dent était vraiment en mauvais état parce qu'elle est sortie du premier coup. Ah, bon. Mais non, ça va bien. J'ai de la difficulté encore à prononcer un petit peu les S. Ouais. Parce que j'ai quand même un trou dans la bouche. Puis ma langue a comme le réflexe d'aller tout le temps se mettre là pour pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Ouais. Mais à part ça, tout se passe bien. Tant mieux. Prends un établissement. Tu te rappelles que moi, l'année passée, à peu près dans les... je sais pas si c'était au mois de... dans le milieu de l'hiver, j'ai vécu la même chose. Exact. Fait que là, on a comme la portion féminine de ça. C'est vrai? Encore plus féminine que moi. Tout à fait. Bref, je te souhaite très bonne chance. Et tu vas faire tes chroniques en début d'émission, donc va falloir se pratiquer à parler. Puis peut-être que ça va finir par fonctionner. Exactement. Voilà. On va articuler au mieux et au plus grand de sa forme. Voilà. Donc plus tard, on aura Alex Marchand en émission à 8h pour la chronique de la GQTR. On va parler des activités du passé, du présent et du futur pour l'Association générale des étudiants de l'UQTR. À 8h30, David Ferron va être là pour venir nous présenter son entrevue avec Rosie Vallant, qu'il a effectuée récemment pour son spectacle qui se passe ce soir, si je me rappelle bien. Donc ça va être à 8h30. C'est ce qui va décaler un petit peu une grosse pointe en dresse après l'entrevue. Alors, on va faire donc notre chronique de produits du tiroir vers la fin de l'émission. Mais on va commencer dans quelques instants après la première pièce avec Tania et Golden Entertainment. Un petit avant-goût de ce qui s'en vient, Tania? Mais on est jeudi, hein? Ce qui veut dire que je vous présente ce qui a retenu mon attention dans l'actualité cette semaine. Ça s'en vient dans quelques instants, mais avant ça, Bear Mountain. Voici la pièce Hopeful. À son âge, Rocky! Au 89 FM. Break into the light, lifting heavy hearts. tragic. Bear Mountain et la pièce Hopeful à Assemblage Requis. Maintenant, c'est Tania Is Gonna Entertain Ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain ya. Ouh, on est allé jouer des dans les notre hôte, Mathieu. Ouais, ça, c'était pas voulu, mais oui. Oh. Une fois par semaine, on dirait que... tu vois. Oh, encore. Ouais, c'est ça. Une bonne gorgée d'eau. Ben, pas le droit dans le studio. Donc, c'est la chronique Tania is gonna entertain ya. Tu me présentes quelque chose de différent chaque jour. Aujourd'hui, on est jeudi, c'est la journée des nouvelles selon Tania. Exactement. Qui a reçu Tania attention. Ce qui a passé peut-être un peu inaperçu dans certaines actualités. Donc, ce sont tous, par exemple, des nouvelles qui sont sorties par la presse, par Radio-Canada, ici localement. Des vrais médias, le Nouvelliste. Exactement, des vrais Nouvellistes. Je suis du genre à lire les journaux à tous les matins ou tous les midis, tout dépendant de l'heure que j'ai. Sur Internet, on va se le dire. Sur Internet, oui, c'est beaucoup plus facile, en fait. Puis, j'ai décidé, en fait, de vous faire une revue de l'actualité, de ce qui se passe plutôt inaperçu durant la semaine, ce qui fait pas nécessairement les grosses manchettes aux nouvelles. Parce que bien souvent, ce qui fait les grosses manchettes aux nouvelles, on est un petit peu tanné d'en entendre. Oui. On le sait. Lorsqu'on allume notre télévision, ça va être ça, les nouvelles dont on va entendre. Mais il y en a d'autres qu'on n'entend pas tout le temps. Donc, c'est ceux-là que je vous présente à chaque jeudi. On aime ça aller un petit peu plus loin que la surface. Exactement. Il y en a une, par contre, ici à Trois-Rivières, qui fait jaser depuis maintenant quelques temps. On se pose plusieurs questions par rapport à cet avenir-là, mais finalement, on a eu les nouvelles hier et c'est le fait que l'UQTR va dire non à l'équipe de football qu'on avait comme projet ici. Ça fait maintenant 3 ans qu'on travaille sur le projet. C'est 3 ans d'efforts de l'équipe de l'UQTR, de certains actionnaires aussi qui voulaient justement voir la venue d'une équipe de football à l'UQTR pour peut-être aussi, excusez-moi le terme, mais repimper l'université locale parce qu'on le sait, durant les dernières années, on a eu quand même quelques complications. Alors, de pouvoir amener des nouveaux étudiants, de les attirer avec ce sport-là, c'était quand même quelque chose d'alléchant, il faut le dire. Mm-hmm. C'était aussi un projet qui valait la peine d'être regardé de près. Par contre, ça a été refusé cette semaine. Par contre, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que l'article du Nouvelliste est très, très non. Ouais. Et détail dans le journal de demain. Alors que notre David Ferron, rédacteur en chef du journal Zone Campus, était présent à la conférence de presse et c'est vraiment exactement un non pour l'instant. C'est pour l'instant, il faut le rappeler. C'est pas dit dans le Nouvelliste. Ça peut être revu dans quelques années. En 2018. Exactement, on parle de 2 ans exactement. C'est ce qu'il disait hier à la conférence de presse. Je me souviens bien, on en a eu une discussion avec David, justement. Ouais. Mais c'est bizarre que les médias traditionnels aient choisi de ne pas parler de ça en attendant de sortir la version papier le lendemain. Je sais, tout à fait. Que les gens... Attendre ou sont peut-être justement tannés de se faire dire « Ben, on va peut-être revenir avec ça dans 3 mois encore. On va revérifier si on est capable. » Parce que si on regarde ça comme ça, durant la dernière année, c'est arrivé 3 fois où on a justement dit aux médias, on a justement dit à la population « Bien, écoutez, ça se peut que finalement, dans 3 mois, on soit capable de revisiter ce fameux projet-là et qu'on l'adopte finalement. » Donc, après un certain nombre de fois, on se dit « Bon, ben non. » Là, c'est non pour cette année. Si c'est oui dans 2 ans, ça sera dans 2 ans. Mais pour le moment, c'est non. Ouais. Donc, c'est quand même l'arrivée de 80 nouveaux étudiants qui auraient été acceptés à l'UQTR avec ce fameux projet-là. On aurait empoché pour l'UQTR 800 000 $ en revenus annuellement si on avait fait cette idée d'équipe de football universitaire-là. C'est selon les promoteurs, évidemment, qui étaient dans le projet. On se rappelle, la semaine dernière, je discutais que le Prix du Gros était à la base un actionnaire dans ce fameux projet-là et qu'après plusieurs discussions, après plusieurs noms, on s'est vu tout simplement se rétracter de ce projet-là. Donc, c'est un petit peu compréhensible aussi que certains promoteurs décident de se retirer d'un projet comme celui-là quand on voit que, justement, peut-être que, un, la population est pas tant ouverte à ce projet-là et, de deux aussi, de voir que ça va coûter beaucoup plus cher, finalement, que ce qu'on croyait et que ça amènerait peut-être pas autant de personnes que l'on pensait aussi. Alors, on a tout simplement décidé de dire non pour l'année 2016. Par contre, Jean-Guy Paré, c'était un des actionnaires de l'équipe qui voulait travailler sur le projet, dit qu'ils sont très, très déçus, évidemment. Il y a bien du mal à comprendre le raisonnement du recteur, mais cette fois, pour l'année 2016, c'est terminé. Alors, on verra rendu en 2018, mais cette année, ça sera un gros non. Est-ce que tu veux des détails de plus via le Zone Campus? Parce que j'imagine que l'article du Nouvelliste va sortir plus tard aujourd'hui avec les vrais détails qu'on attendait hier. Oui, exactement. Puis certains de nos... De nos journalistes du Zone Campus étaient déjà sur place. C'est ça, et nous, on préfère en parler dès le départ à la place de vous faire attendre comme des je sais pas, comment on dit ça? Des journalistes. Comme des journalistes nouvellistes. Bref, ça dit qu'il aurait fallu un coup nul, ce qui n'a pas été le cas dans la proposition. Ensuite, la mise sur pied d'une telle équipe doit être en lien avec l'éventuel plan de gouvernance que les échéanciers ne permettaient pas. On croit aussi que le projet doit se faire, ça c'est selon M. McMahon, le recteur, que ça doit se faire dans une perspective qui inclurait tous les autres sports sans créer de discrimination. Et selon le dernier, la proposition de M. Jean-Guy Paré, dont tu viens de parler, le président sortant de la fondation de l'UQTR, était surtout centrée sur le football au détriment des autres disciplines. C'est ce que M. McMahon n'a pas aimé, n'a pas apprécié. Et l'AGE ne se positionne pas pour le moment. Frédéric Farid-Borel, le conseiller à l'exécutif, dit qu'il est tout à fait prématuré d'appuyer un projet d'équipe de football sans avoir de proposition formelle sur la table. Donc ça, ce sont les vrais détails que vous verrez sûrement sortir dans les médias traditionnels plus tard. Oui, probablement. Ou sinon, la semaine prochaine dans Zone Campus. Absolument, bien sûr. Et probablement la chronique Zone Campus aussi avec David. Oui. De mardi prochain. Exactement. Voilà. Next! J'ai parlé de l'UQTR, mais j'ai pas fini de parler d'université nécessairement. Un petit peu plus tôt cette semaine, Mathieu, on en a, toi et moi, discuté après l'émission en buvant notre café. C'est un petit peu bizarre, mais du côté de Québec, il y a le syndicat de l'Université Laval qui a invité des étudiants à tout simplement délaisser l'Université Laval durant la journée porte ouverte. Les gens viennent pour voir qu'est-ce que c'est l'Université Laval, puis ils se font dire « Mais moi, j'irai ailleurs si j'étais vous. » Exactement. Donc, on explique. En fait, il y avait la journée porte ouverte de l'Université Laval samedi dernier et ça a été plutôt assombri par une grande publicité qui était là. Donc, évidemment, si vous êtes quelqu'un qui visite l'Université Laval pour savoir dans quoi est-ce que vous voulez étudier, par exemple, vous vous attendez pas nécessairement à voir des panneaux qui disent « Ne vous inscrivez pas ici ». C'était pas écrit tel que tel. Par contre, c'était... pareil. Donc, en fait, ce qui est arrivé, c'est que l'organisation qui représente plus de 1 500 travailleurs sur le campus de Québec a invité les futurs étudiants à s'inscrire dans un autre établissement en raison d'un possible conflit de travail que l'université a avec ce fameux syndicat-là. Donc, le syndicat disait, dans le cadre des négociations avec l'Université Laval, le SCFP ne peut pas garantir qu'il n'y aura pas un conflit pouvant perturber la session d'hiver, c'est-à-dire une grève, un lockout. Écoutez, grève, lockout, ça dit pas mal. Ouais, là, c'est pas mal. Exactement. Ouais. Donc, c'est ce que prévenait la publicité, c'est ce que disait la publicité. Par contre, ça l'arrêtait pas là. Ça disait, pour éviter tout risque de perdre votre session, des options s'offrent à vous. Et par la suite, ce qui était sur la publicité, c'était la liste des autres campus universitaires au Québec avec une mention qui disait « Pourquoi prendre une chance? » Prendre une chance, mais oui. C'est non, bizarre. C'est un petit peu bizarre. Bien évidemment, tu retrouvais ça à quelques endroits dans l'université, placardé un petit peu partout parce que j'imagine que le syndicat s'est dit « Bon, c'est la journée porte ouverte, on va en faire notre publicité. » Mais on retrouvait ça aussi sur des pamphlets un petit peu partout sur les tables des représentations de l'université. Alors, c'est un petit peu plus difficile de ce côté-là. Et il y a aussi la vice-rectrice de l'Université Laval qui a voulu absolument rien commenter sur le sujet, qui a dit « C'est une question de relation de travail que je vais pas commenter. Par l'acte même, je pense que je laisse le soin à la communauté de juger de cet acte-là. Par contre, est-ce que ça va arriver pour vrai? » Elle dit pas que ça arrivera pas. Elle dit pas qu'il y a pas de conflit. Il y a des conflits. C'est une possibilité, ça. Exactement. Est-ce qu'il va y avoir des grèves? Est-ce qu'il va y avoir des lockouts? On n'a rien dit à ce sujet parce qu'on n'est peut-être pas rendu là non plus. Mais quand même, c'est une publicité qui a fait beaucoup jaser. Ça l'a effrayé plusieurs futurs étudiants de l'Université Laval. C'est un bon moyen de pression, par contre. C'était le syndicat, mettons. C'est un excellent moyen de pression. Ça va vraiment peut-être convaincre l'université. Là. En effet. Ouais. On a le Huffington Post Québec a posé la question à plusieurs élèves qui étaient là justement pour visiter le campus, à savoir est-ce qu'ils allaient s'inscrire après avoir vu cette publicité-là. Et certains disent, ben honnêtement, je sais comme pas. Ouais. Je suis comme dans une empêche à savoir est-ce que je m'inscris à l'Université Laval et je m'inscris ailleurs aussi en même temps. Est-ce que je m'inscris à l'Université Laval ou je m'inscris pas tout simplement? Pour certains, c'était assez difficile à la suite de voir cette publicité-là un petit peu partout sur le campus de l'Université Laval. Ouais. C'est un petit peu... Je trouve ça un peu agressif comme moyen de pression. Mais encore une fois, efficace. Tout à fait, c'est sûr. On a parlé beaucoup de Uber ici au Québec parce que c'est illégal. Il y a plusieurs choses qui se passent par rapport à c'est ça. C'est illégal. Mais c'est pas illégal. Il y a des gens qui disent que ça devrait l'être. Exactement. Là. Mais par contre, il y a un nouveau système de taxi à Montréal qui a été inventé par Alexandre Taillefer, qui est un des anciens dragons. On parle du Théo Taxi. Et apparemment que ça pourrait dépasser les frontières de l'industrie du taxi dans les prochaines années. Ça, c'est bien évidemment selon le principal actionnaire qui est Alexandre Taillefer. Donc, il y aurait intérêt à dire ça. Hein? Oui, c'est sûr. On vient de le dire, l'homme d'affaires a été connu par rapport à son émission Les Dragons, aussi dans le secteur du camionnage, de la livraison, transport scolaire, transport urbain aussi. Et on veut tout simplement arriver à implanter des parcs de véhicules électriques un petit peu partout à Montréal, un petit peu partout aussi au Québec peut-être. Alors, ils pensent même que cette expansion pourrait permettre à la compagnie Théo d'être candidate à un premier appel public à l'épargne dans les 36 à 48 prochains mois. C'est quand même bientôt, il faut se le dire. Mais ils pensent aussi que ça pourrait être en mesure de créer une entreprise dont le revenu annuel serait entre 350 à 400 millions d'ici les 24 prochains mois. Quand est-ce qu'on va les avoir à Trois-Rivières? Ça serait pour commencer, c'est mais cool. Déjà en partant, Québec, t'as des Uber. Montréal, t'as des Uber. Il y a simplement Trois-Rivières où t'as pas d'Uber. Je sais que le marché peut être différent. Ouais. Je sais qu'il y a pas nécessairement justement cette demande-là ici. Mais si on se met à faire la demande, penses-tu qu'ils vont venir? Je sais pas, hein? Moi, j'aimerais ça. Oui, moi aussi. J'aimerais ça parce que j'ai pris Uber, le taxi l'autre jour, puis c'est pour 5 minutes, genre, peut-être 10 minutes, genre, ça m'a coûté quasiment 20$. Ben oui. Parce que j'ai eu tellement de lumière sur le boulevard Jean 23. Sérieusement. Puis Trois-Rivières, quand même, c'est vaste, il faut le dire. Oui. Tu sais, oui, ici à Trois-Rivières, tu dis, il n'y a pas beaucoup de trafic, tout est quand même assez proche. Oui, peut-être, mais c'est vaste. Si tu décides de partir de l'UQTR puis te rendre chez Walmart, chez Walmart, ça, ici, te donner la. Un exemple, c'est à Trois-Rivières-Ouest. Dans le temps, c'était deux villes différentes. Ça va être au-dessus de 20-25 $ probablement. Exactement. Donc, Uber, ça serait peut-être une bonne possibilité. Ou encore Théo. Ouais. Moi, je pense que Théo pourrait, justement, il parlait il y a quelques années que c'était que des véhicules électriques. Mm-hmm. Alors, ça pourrait être quelque chose de très, très bien aussi du côté environnemental. Ouais, sûrement que Théo suit plus les règles par rapport au taxi et va moins, ou peut-être même pas se faire d'ennemis par rapport au taxi. Exactement. Contrairement à Uber. Exactement. Mais là, on se dit comment est-ce qu'on va atteindre notre objectif. En fait, pour atteindre l'objectif, l'associé principal de la société XPND Capital mise sur des acquisitions d'entreprises traditionnelles dans les secteurs visés pour ensuite pouvoir accompagner leurs transactions vers un parc électrique de véhicules. Donc, Alexandre Taillefer qui estime que les inquiétudes de la population qui entoure cette fameuse autonomie des véhicules électriques-là s'estompe de peu à peu et fait, entre autres, miroiter les économies générées par l'utilisation de l'hydroélectricité québécoise, qui est quand même très peu coûteuse. Alors, ça pourrait engendrer des emplois, ça pourrait aussi faire en sorte qu'il y aurait moins de gaz à effet de serre, par exemple. Donc, je pense que ça serait une très bonne idée de pouvoir voir jusqu'où est-ce qu'on peut pousser cette fameuse compagnie Théo-là. Pousser. J'ai parlé de Uber. J'ai un article du site lesaffaires.com, un site que j'aime visiter à quelques reprises par semaine, savoir qu'est-ce qui se passe un petit peu. Bien, évidemment, on parle souvent d'économie, de ce qui se passe du côté du monde des affaires, du monde de la business. Mais en 2016, Alphonse Desjardins lancerait un Uber coopératif. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, la vraie économie de partage, ce sont les plateformes coopératives. Ça, c'est ce que dit Jonathan Durand-Folco, qui est professeur à l'École d'innovation sociale de l'Université Saint-Paul à Ottawa. Et si Alphonse Desjardins avait 20 ans aujourd'hui, lui, il dit qu'il lancerait probablement justement une plateforme coopérative. Et c'est ce que dit, en fait, l'équipe qui a travaillé sur cette fameuse petite recherche. Desjardins étant le fondateur de Desjardins, j'imagine. Exactement. Il y avait, entre autres, dans cette équipe-là, par exemple, des cofondateurs de coopératives numériques. Il y avait des actionnaires, des gens qui possèdent déjà quand même une bonne connaissance du monde des affaires, du monde de l'économie aussi. Et l'information qui a permis de rédiger cet article-là est tirée des conversations avec les participants à l'événement sur les plateformes coopératives qui a eu lieu le 12 novembre à l'espace coopérative Temps Libre dans le quartier Myland de Montréal. Donc, les coopératives de plateformes constituent la réplique exacte de ce qu'est Uber et TaskRabbit aujourd'hui en 2016 dans le monde. TaskRabbit, c'est celui que tu peux faire livrer des affaires. Je si je me souviens bien, oui. Ouais. Rapidement, genre avec un petit frais, ben un gros frais. Oui. Genre pour faire livrer de la bouffe. Je pense qu'ils viennent aussi en vélo, eux. Je pense que c'est ça. Ouais, exact. Ouais. Donc, on reproche en fait à Uber et compagnie de s'approprier le temps, les compétences des fournisseurs qui sont déjà instaurés, qui sont un petit peu en contrepartie de ces fameux projets-là. Et en fait, de récolter tous les avantages avec un minimum de prise de risque. On décrit aussi l'appellation économie de partage cette fameuse type de plateforme là et au fond il s'agit pas nécessairement d'économiser de façon traditionnelle selon certaines personnes, mais ça pourrait aussi amener un déficit de l'économie, ça pourrait amener aussi certains autres problèmes, mais selon cette fameuse convention-là qui a eu lieu le 12 novembre, mais si Alphonse Desjardins avait 20 ans aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il ferait. Il aurait lui-même pensé à une coopérative comme celle d'Uber. Donc, il faut ramener Alphonse Desjardins des membres. C'est ça, bon. S'il vous plaît. TaskRabbit, en passant, c'est celui qui vous permet de faire des tâches ménagères ou autres. Faire des courses, peinturer votre appartement, ramasser les... Mais c'est pas vous qui l'a fait. C'est pas vous qui le faites. Vous vivez votre vie, comme ils disent, pendant que TaskRabbit ou le Tasker de chez TaskRabbit le fait. Ouais. Exactement. Il y a une étudiante de Montréal qui a réussi à percer le marché noir de ce qu'on voit souvent sur les médias sociaux ces temps-ci. C'est quelque chose dont certaines compagnies... achètent, d'autres sont victimes. Si vous avez un compte Instagram, vous savez probablement de quoi je parle. C'est les fameux « j'aime », mais qui sont des faux « j'aime ». Ouais. Qu'est-ce que c'est exactement? Et en fait, l'étudiante, elle a combiné l'informatique et la criminologie, deux domaines dans lesquels elle est passionnée et un domaine dans lequel elle étudie. Alors, on parle de Massara Paquet-Clouston, qui a levé un petit peu le voile sur... un marché noir de l'Internet, on pourrait appeler ça comme ça, par l'entremise d'un virus des pirates qui vendent aux plus offrants des millions de mentions « j'aime » pour certains comptes de médias sociaux et d'abonnements aussi sur des réseaux sociaux comme par exemple Instagram ou si vous avez une page publique sur votre Facebook, c'est quelque chose qui peut arriver aussi. Vous allez avoir comme un espèce de gros boom de « j'aime », mais de personnes que vous avez l'impression qu'ils n'existent pas. C'est un petit peu ça, en fait. Et sa recherche va lui valoir aujourd'hui... Bien, un petit peu plus tôt cette semaine, lui a valu le prestigieux prix Mitax 2016 pour l'innovation exceptionnelle au Québec ici. Comment est-ce qu'elle s'y est prise, en fait? C'est qu'en collaboration avec trois partenaires, notamment le chercheur en cybersécurité chez GoSecure, Olivier Bilodeau, la jeune étudiante a injecté dans une douzaine d'ordinateurs loués. à travers le monde. Elle a lancé un virus qui s'appelle Linux Mouse. Et ces ordinateurs-là sont devenus comme des zombies, des botnets utilisés par un groupe de pirates non identifiés. Et pour l'étudiante en criminologie et bachelière en économie à l'Université de Montréal, ils sont plutôt devenus des pots de miel qui ont permis justement d'intercepter ces fameux pirates-là et de mieux comprendre la méthode qu'ils utilisent pour justement arriver à cette fin-là, de pouvoir acheter et de pouvoir aussi vendre ces fameux « j'aime-là » à certaines personnes qui se font une certaine compagnie sur des réseaux sociaux maintenant. Donc, en temps normal, un virus, ça infecte pas les ordinateurs, mais plutôt des objets connectés vulnérables, par exemple des routeurs sur vos ordinateurs. Et ceux-là sont ensuite utilisés par un serveur central qui est contrôlé par les cyberpirates pour aller sur Internet dans un but bien précis, mais souvent très, très mystérieux, il faut se le dire. Alors, elle dit que l'équipe savait qu'ils communiquaient avec les réseaux sociaux, mais ils ignoraient dans quel but. Et le travail le plus spécifique de la jeune étudiante a consisté à analyser le comportement de ce virus-là pour comprendre justement son utilisation. Donc, c'est simplement de l'observation que l'équipe a fait pendant plusieurs mois, comme s'ils observaient des animaux dans un zoo pour justement comprendre leur comportement. C'est un petit peu ce qu'ils ont fait. Ils ont tout simplement inséré le virus dans plusieurs ordinateurs et par la suite, ils ont mouchardé, disons ça comme ça. Ils ont regardé qu'est-ce qui se passait avec ces fameux pirates-là et comment est-ce que ça pouvait devenir aussi viral que ça. Que c'est quelque chose. Son nom, encore une fois... Mais, Massara. Massara Clouston. Ça me donne envie de manger, tu sais, du poulet tikka masala avec des petits cloustons de pain là-dessus. Avec des petits cloustons de pain. Mon Dieu, Mathieu. Ouais. Terrible. J'ai pas le choix. En terminant, l'obésité, c'est un problème de taille pour les Québécois, oh, apparemment. C'est drôle. Hein? Quel média, quel journal a écrit ça? Radio-Canada. Eh boy. Hey, c'est rendu beau, ça. Tu sais. Que veux-tu, hein? Ouais. On aurait apparemment une espérance de vie qui n'arrête pas d'augmenter. On se rappelle, j'en avais déjà discuté depuis quelques années. On sait, c'est comme n'importe quel cycle. Ça monte, ça descend, ça va remonter, ça descend. Mais pour les Québécois, depuis quelques temps, ça n'arrête pas d'augmenter de plus en plus. Mais les Québécois ont un excès de poids qui les rend vraiment très, très vulnérables face aux maladies chroniques et surtout aux maladies cardiovasculaires. C'est ce qu'ont révélé les conclusions d'un rapport annuel du directeur national de santé publique sur l'état de santé des Québécois. Et le rapport qui a été dévoilé un petit peu plus tôt cette semaine dit qu'autour de quatre grands thèmes, soit l'adaptation sociale, la santé mentale, les comportements, les maladies chroniques et les traumatismes non intentionnels, les maladies infectieuses et les effets de différents environnements sur la santé, tout ça fait en sorte que les Québécois sont de plus en plus à risque. Donc, le rapport montre qu'en 2013-2014, 52% des adultes québécois souffraient soit d'embonpoint et que ce nombre-là, depuis ces jours-là, 18% étaient considérés comme étant obèses, contre seulement 8% par exemple en 1987. C'est quand même un gros chiffre, puis c'est quand même deux années très, très différentes, il faut se le dire. Mais c'était une augmentation de 10 points de pourcentage en moins de 30 ans. L'embonpoint et l'obésité peuvent, entre autres, accroître le risque de développer des maladies chroniques, des maladies cardiovasculaires, comme on vient de le dire, et aussi des problèmes respiratoires. Donc, si la tendance se maintient, si on continue comme on s'en va, le directeur national de santé publique estime que la proportion de personnes qui vont souffrir d'obésité pourrait augmenter et atteindre 21%. Attention, pas dans 30 ans, dans 15 ans. Hello. Donc, d'ici 2030. Et chez les adolescents, les données sont particulièrement inquiétantes, apparemment. 6% des jeunes entre 12 et 17 ans sont déjà obèses. Et ce pourcentage-là grimpe à 17% chez les gens qui ont entre 18 et 34 ans. C'est inquiétant, ouais. Mais il y a aussi une autre étude qui est sortie cette semaine qui dit que nos jeunes sont les jeunes les plus médicamentés en Amérique du Nord. Et on se demande en fait ça pourquoi. Un lien. Donc il y a peut-être un lien, il y a peut-être beaucoup de liens à faire avec la vie de tous les jours. Reste à voir qu'est-ce que les médecins et qu'est-ce que les compagnies de santé vont nous sortir par la suite pour améliorer ces fameux rapports-là. Ouais. Toi, on sait que t'aimes beaucoup avoir ton excès de poids sur ton hot chicken! Mon excès de petit poids. Ah oui. C'est une blague. Oui, non, ouais. ça me prend totalement mes petits poids. Hey. C'est bien sûr un fait réel, cette blague. Ouais, je sais. Voilà. Hey, oh, déjà? Ben oui, déjà. Tu prends par surprise, merci. Ça Tania. Fait plaisir. Une autre chronique de nouvelles comme ça tous les jeudis. Et ta chronique à toi, Tania Esgolin-Tutenia, tous les matins à Assemblage Requis, lundi au jeudi. Merci. Ça fait plaisir. On prend une pause au retour. Alex Marchand de la GEQTR. Restez là. Aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Toujours Assemblage requis en ce jeudi 17 novembre 2016. Et Tania Baudin. Mathieu Plan. Et maintenant, c'est le moment d'accueillir Alex Marchand, le président. El Furrer! Non. El Presidente! Non. El Presidente? El Presidente, ça va? Hola! Hola! C'est la chronique de la GEUQTR. AGEUQTR, AGEUQTR, AGEUQTR. Peu importe ton âge, tu t'en vas à la GEUQTR parce que la GEUQTR, ça n'a pas d'âge. Yo! Pro! Una cerveza, por favor, pour commencer la chronique. Alex Marchand, parce qu'on parle des 18 ans de la GEQTR. Oh, c'est, la GEQTR. 45? Ouais, ouais, elle est majeure et vaccinée, c'est la GEQTR. C'est vieux, monsieur. Oui, c'est pervers, un peu. La GEQTR commence à faire la calvitie, même. Alors, c'était la chasse galerie qui avait, entre guillemets, qui a fêté ses 18 ans, mettons, oui. Mais... Donc, la chasse galerie est en âge de boire, je vous le confirme. Mais on comprend pas ici, assez fou, parce que c'est fou, à peu près, c'est vers proche de cet âge-là. Et apparemment, que la chasse galerie s'est ouverte, genre, dans le milieu des années 90 et avant ouais. ça. Non, mais c'est en fait, c'est en 1998 que la chasse galerie a été ouverte. Avant ça, il y avait un autre bar qui s'appelait Lutrec. Mais c'est pas la même place. Non. C'était au pavillon côté. Ouais. Oui, exactement. Fait que, tu sais, c'est vraiment le 18 ans, puis je pense que ça a été fondé à peu près. D'après moi, le pavillon des Ribeauchemin doit avoir pas loin de 18 ans, puis c'est là que ça provient que j'ai reçu la GME et aussi la chasse galerie ont pu être fondés en même temps. Il va falloir en reparler à notre source sûre qui, lui, était physiquement présent à C'est fou dans ces années-là et dit que c'était bien avancé. Mais c'était peut-être juste un café, c'était peut-être pas un café-bar. Ah, ça se peut. C'est peut-être ça. Il y en a qui parlent que c'est la date du permis d'alcool. Oui, exactement. Pour vérifier les papiers. Alex, toi, en parlant de permis d'alcool, t'as fêté ça hier? Ah oui, ben c'est sûr que il fallait que je fasse mon rôle de président. J'ai assisté de manière... On t'a forcé. Ouais, c'est ça. Je me suis forcé moi-même. Tu sais, je me suis dit, tant qu'à faire, il y avait un entrepôt Molson d'ITR avant. Ils m'ont invité. Fait que là, ben tu sais, c'est ça, des fois, faut profiter de la vie. Je le fais pas souvent, mais quand je le fais, je l'en profite. Le petit finish him de ta soirée, là, il fallait que tu t'assommer, ça, j'imagine. Oh oui, je pense que oui. Ah, en forme, quand même. Ok, bref, c'était très plaisant comme soirée. Honnêtement, on a eu beaucoup de plaisir. Puis la chasse était vraiment pleine. En plus, il y avait beaucoup de monde. À cette heure-ci de l'année, c'est surprenant. Mais là, c'était très le fun. Ouais, ça sent la chasse pleine un matin dans le pavillon. Ah oui, vraiment. On l'a dans pas mal. Jusqu'au studio. Exact. Ça, c'est sûr. Ah, donc, les 18 ans sont passés. Maintenant, on peut passer à autre chose. Et peut-être qu'on pourra célébrer les 21 ans. Dans quelques années pour aller voir aux États-Unis. Hein? Ah, ben pourquoi s'ouvrir pas, une version. Pourquoi pas? On va pouvoir déplacer la chasse galerie de l'autre bord des lignes. Ouais, ça va être merveilleux. Voilà. Ouvrir des succursales partout. Là. Ensuite, le camp des admins formation qui avait lieu. On en a parlé un petit peu la semaine passée. Retour là-dessus. Oui, exactement. On a fait ça en fin de semaine. Donc, on a invité les administrateurs de la GEQTR à aller à un camp à Val-Plenaire. Bref, c'est à peu près ça le nom. Je suis pas certain à 100%, mais bon. Puis c'est ça. Nous aussi, t'as bu. Hein, mais pas tant que ça. Ça, c'est tranquille. Puis bref, on a formé les administrateurs sur plusieurs sujets, entre autres comment fonctionne une assemblée délibérante et le code Morin et toutes les procédures. Ouais. Quelles procédures ils peuvent utiliser à l'intérieur des réunions de CA pour que ça aille plus vite parfois ou pour réorienter le débat. Sinon, on a aussi eu une formation sur les positions sociopolitiques et les associations étudiantes nationales. Et on a parlé aussi de la représentation politique qu'on a commencé à faire. On a vraiment un peu donné notre jour par jour aux administrateurs pour savoir qu'ils sachent ce qu'on fait de ce côté-là. Sinon, au niveau des états financiers, ben, on a donné un petit cours de comptabilité aussi au niveau de comment on lit un état des résultats, puis comment on peut lire le budget, puis bien comprendre le budget de la GEQTR. Puis on leur a aussi... en fait, ça a même une autre formation et celle sur les états financiers aussi. On leur a rappelé que le rôle d'administrateur est super important et qu'ils se doivent de poser des questions s'ils ne comprennent pas. Parce que sinon, c'est de l'aveuglement volontaire puis du rubber stamping qu'on appelle. Oh, wow. Ça, c'est à éviter à tout prix. Puis c'est justement pour ça aussi qu'on a fait ce camp-là. C'est pour leur permettre de mieux faire encore leur rôle d'administrateur puis s'assurer que les affaires de la GEQTR soient le mieux possible gérées, en fait. Puis que l'intérêt des étudiants soit toujours mis de l'avant, en fait. C'est nécessaire et essentiel. Le mot, l'expression aveuglement volontaire, je l'avais jamais entendu comme ça. C'est genre quand tu fais exprès pour ne pas connaître quelque chose, comme ça, tu dis que ça. Vas-y, c'est si, mettons, par exemple, c'est vraiment hypothétique, là. Si un officier arriverait avec un projet qui a absolument rien autour, il dit juste, écoutez, donnez-moi un budget de 100 000 $, je vais vous faire ça, moi. Puis, mettons, on pourrait agrandir le pavillon, par exemple. Ouais. Mais il dit juste, je vais agrandir le pavillon, donnez-moi un budget de 100 000. Il y a une motion qui est votée, les administrateurs diraient oui. Ben là, à partir de ce moment-là, c'est très problématique au sens de la loi, en fait, parce qu'il pourrait faire absolument qu'est-ce qu'il veut. Il n'y a rien de concret, il n'y a rien de papier, il n'y a rien. Fait que là, ben, il y a beaucoup trop de jeux avec son 100 000 $, puis on n'est pas sûr que ça pourrait aller dans les intérêts de l'association. Ah, donc, ben, à ce moment-là, c'est du rubber stamping. Sauf qu'on veut éviter ça, justement, puis on le fait pas non plus. Premièrement, c'est la première étape, faut qu'un officier ne fasse pas ça. Puis la deuxième, c'est que si jamais ce genre de truc là arrive, faut que l'administrateur soit en mesure de dire je suis pas sûr, ça ne tente pas que ça se produise. Arrive-moi quelque chose de concret, tu sais. Ouais. Puis sinon, on a eu aussi une autre formation sur la planification stratégique de la GEQTR. Donc, on est présentement dans une planification quinquennale. Donc, sur 5 ans, on veut savoir où qu'on veut positionner la GEQTR dans 5 ans. Donc, où on en était, puis qu'est-ce qu'on pensait que c'était les problèmes à régler, puis les opportunités à saisir. Donc, on en a fait part aussi aux administrateurs. Finalement, des dernières formations qu'on a eues, c'était sur les ressources humaines, donc un peu qu'est-ce que l'équité salariale, puis un peu aussi le harcèlement. On a donné des politiques sur les deux, en fait, les deux trucs. Donc on a fait part un peu c'était quoi, puis comment que ça s'appliquait à la GEQTR. C'est à peu près tout pour le camp des administrateurs. Là. Bon, donc on passe au Trivia Crack, le célèbre jeu télévisé, mais pas télévisé. De la GEQ. Non, c'est un petit jeu. Applicationné. C'est ça, applicationné, on aime ça. C'était dans le cadre de la Coupe des associations. Ça se tenait à la Chasse Galerie mardi dernier. Il y avait le président, vice-président aux affaires socio-culturelles, Solan Anange, Lapierre et. Elle ne s'en sortira jamais de ce surnom-là. Elle aime les ananas. Oui. On l'appelle Solan Anange. Hein? Il y avait aussi la vice-présidence aux affaires associatives et à l'environnement, qui est d'ailleurs le plus long titre du conseil exécutif. c'est Michael Saint-Pierre. Et c'est ça, il avait de l'organiser. Puis j'ai décidé de prendre la régie ce soir-là. Fait que je mettais de la petite musique. La technique sons. Toute. Ah ouais. Oh, ouais, il y avait un son de Mario, tu sais, quand il pogne un champignon qui grandit. Là. Mal. Ben ça, c'était pour quand il y avait une bonne réponse. Puis sinon, c'était un gros bim quand c'était la mauvaise réponse. Génial. C'était très drôle. Donc, c'est ça. Je pense qu'il y a eu 5 games au total. Donc, un total de 10 assos qui ont participé à l'activité Trivia Crack. Je pense qu'il y a eu beaucoup de plaisir. Puis encore une fois, beaucoup de bière. Mais c'était version traditionnelle, jeu questionnaire, tout ce qui est plus classique, là, mais je sais avec le nom de Trivia Crack. Parce oui. que je pense qu'il y a rien de spécifique à Trivia Crack. Ben en fait, c'était des. Il y avait une grosse roulette qui était sur le stage, puis les astros le détournaient à chaque tour. En fait, il y avait des questions ça, sur chaque sujet. Sur la couleur, exactement. Puis la question était posée, puis celui qui trouvait la réponse, ben là, avait le point à ce moment-là. C'est vraiment copié sur des arpents de piège, truc. Hein. Pas mal. Écoute. Ouais. On va se le dire. On va pas faire leur procès un matin? Ben là, hein? Ah! On n'est pas payé pour ça, Mathieu. Donc ça, c'était mardi passé. On va dans le futur un peu. Oui. Parce qu'il y a un CA qui s'en vient dimanche. Oui, exactement. Donc la semaine passée, on disait à nos administrateurs comment mieux faire leur travail. Là, cette semaine, on va expérimenter avec ça. Donc, ils vont être cotés sur 100 à la fin du CA. Oui, exactement. Donc entre autres, on va discuter de la cuisine froide de la chasse-galerie qui s'en va de l'avant. Donc on va pouvoir regarder qu'est-ce qu'on met autour de ça. Ben, en fait, justement, on va arriver avec un projet. Puis là, on va demander aux administrateurs le financier, donc on va arriver avec de la documentation, bien évidemment. Mm-hmm. Puis on voudrait justement que ça puisse commencer en janvier. Donc, c'est le fun, ça serait rapide, là. Ça déclencherait rapidement. Oui, certainement. Fait qu'on s'y attend bien. Il y a d'autres points aussi. Je vais vous revenir là-dessus dans la prochaine chronique jeudi prochain pour faire un retour sur qu'est-ce qui a été discuté et qu'est-ce qui a été voté dans le CA. Ça marche bien donc, comme concept à date. Oui, ouais, vraiment. Ouais. C'est super. Fait que je dirais que c'est pas mal ça pour moi aujourd'hui. Simple, vite fait, bien fait, comme un sachet de riz prêt en 5 minutes sur le... c'est les meilleurs. C'est les meilleurs, c'est tellement c'est vrai, bon. C'est vrai, c'est 2 minutes, tu mets ça au micro-ondes. Faut que tu le petit coin, c'est ça, tiens, le petit coin, mais là, faut que tu prennes parce que c'est marqué la zone froide, hein, parce que si tu prends par la zone pas froide, quand c'est pas écrit zone froide, tu te brûles, t'sais. Ah oui, ça c'est certain. Puis en plus, il y a la vapeur là-dedans. Hein? Oui. Ben oui. Non, non, c'est blanche garantie. Tu peux faire défriper ton linge avec un sachet de riz. C'est sûr. Ils ont pensé à tout. Ah, c'est incroyable. Incroyable. Puis en plus aussi, faut que tu sales après. Par exemple, ça c'est un petit peu. Ah, tu sales ça, toi. Ah, ben oui, il faut saler parce mais que t'es un gars trop salé. Ah, ben voyons donc. Oui, je suis sucré salé un petit peu. On m'appelle Guy Jourdain des fois dans le corridor. Moi, je suis le plus mixé de la cafétéria. J'aime ça fade. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas vrai. Je mets aussi beaucoup de sel et de poivre. Surtout du poivre. Oui, parce que ça goûte pas grand-chose. Non, ça goûte pas grand-chose. Et j'aime ça, ça me fait éternuer à chaque repas. C'est ça ton sort. Éternuement de la journée. Ça sort le méchant. OK, fait que toi, tu prends juste, mettons, une cuillère de poivre. Puis, pas de riz, tu sais. C'est secondaire. Je le sac dans mes affaires, mais en faisant le plus gros nuage possible. Ouais, pour vrai, on pourrait faire ça à une grosse pointe en dress un moment. Essayez, le cinnamon challenge, mettons. Oh là, mon Dieu, dans ça serait incroyable. Mais ce serait difficile, j'aimerais ça. On le fait. Les auditeurs entendraient juste 4 personnes qui sont toutes dans un studio. Puis ça va en mettre plein ses micros, puis les animateurs de toutes les émissions de la journée, puis de la semaine. On sentait les cannelles. Oh. Que de bonnes idées. Alex Marchand, c'est pour ça qu'il a été élu président de la GEQTR. Entre autres, là, parce que je suis sympathique. C'est une bonne job, tout ça. En tout cas, ouais, j'espère qu'il attendra vos votes au mois de mars ou avril prochain. On verra bien. On verra bien. Ça, c'est pas encore décidé, par exemple. On verra bien. Le gars est occupé. OK, oui. Alex Marchand, président de la GEQTR. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Nous, on va prendre une petite pause musicale. Ben oui. On aime ça. J'avais prévu une pièce de pop du palmarès anglophone. Voici Can't Win. À son argentique! Et Can't Win, assemblage Ricky. Maintenant, c'est son foutu palmarès. Jusqu'à ce que je tombe sur sa liste. J'étais numéro 2. chronique dans laquelle on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Et aujourd'hui, comme on va faire une grosse pointe tendresse plus tard dans l'émission, j'ai choisi deux listes sur la nourriture. Ouh, d'accord. Hein? C'est logique, donc on va commencer avec 10 garnitures à pizza à travers le monde que vous devriez peut-être essayer. En fait, c'est des garnitures de pizza régionales aux États-Unis. Voilà, qu'on va faire aujourd'hui. D'accord. Il y a des gens qui aiment les pizzas traditionnelles. Qu'est-ce que tu mets sur ta pizza? Est-ce que t'es pepperoni, fromage, all dress, bacon? Je te dirais, je suis végé, pas de champignons. Oh, wow! Ouais. Okay, c'est spécifique, pas mal, ça. Ben, j'aime pas les champignons. Ben, c'est correct, ça. Envoie-moi l'air dans ce temps-là. S'il y a une chose dans la vie, là, que je ne suis pas capable de manger dans toutes ses formes, cru, cuit, bouilli... Dans le beurre... Peu importe, c'est les champignons. Ah, s'il y a une affaire que j'aime le plus que n'importe quoi d'autre, c'est bien les champignons. Ah, non. Bref, on va y aller un petit peu plus original qu'une végétarienne, même si moi aussi j'aime bien végétarienne, c'est le fun. Les gens pensent que végétarienne, c'est juste genre une pizza all dress sans la viande, là, genre juste des pepperonis puis des... Ouais. Non, c'est pas ça, c'est des choux-fleurs, c'est du navet, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est du... Des tomates, des olives. Des zucchini. Ouais. Des fois, il y a des artichauts. J'aime moins ça un petit peu. Bon, donc on commence avec les truffles. Oh! À New York, oui, on s'en va à New York. C'est la saison des truffles, l'automne. Nous dit-on, je ne savais pas ça, mais les restaurants et pizzerias de New York aiment ça, tirer profit de ce champignon pour ajouter de la saveur. On envoie ça directement aux artères, comme on l'appelle. Hein? Okay, et, oui. On aime bien le Songhe Napule à Greenwich Village, qui est le nom de la pizza. Ensuite, on met du homard à Boston. Ah, oh, ouais? Oui, les crustacés. Crustacés. Boston incorpore ce crustacé-là dans ses nourritures italiennes, entre autres les pâtes. Et ici, c'est le restaurant Scampo, à l'intérieur du Liberty Hotel, où la chef Lydia Shire prend une pizza croûte mince et rajoute de la crème, de la grosse crème, de l'ail et de la viande, oui, d'un homard de 2 livres au complet. T'as 2 livres de homard sur ta pizza? On y est pas avec ça. Ensuite, je pense qu'on va aimer celui-là tous les deux, au fromage Provel. Mm. C'est à Saint-Louis dans le Missouri. C'est pas du gorgonzola, comment t'appelles ça? T'as parlé de gorgonzola hier aussi. Ah, mais j'aime tellement ça. T'es en manque de fromage, Mathieu. Le Oka et le gorgonzola sont vraiment mes préfs en ce moment. Ça varie de mois en mois. Mais bon. Donc, si vous pensez avoir essayé tous les fromages sur votre pizza, vous avez peut-être manqué la variation propriétaire à Saint-Louis. C'est le Provel. C'est un mélange de Suisse provolone et cheddar. Donc, super étirant, super ciré, donc très, très comment dire, voyons, gras, cette apparence gras, on va se le dire. Et très épais. On trouve ça dans la chaîne IMO's, IMO'S, qui est aussi le distributeur de ce dit fromage Provel. Donc, Suisse, Provolone et Cheddar ensemble. Ensuite, on met du crabe sur nos pizzas à Baltimore, dans le Maryland. Ouais. Donc, du vrai crabe ou... Du crabe. C'est la goberge. Non. Mais moi, j'adore la goberge. Je sais pas ce que tu fais avec ta langue, mais j'adore la goberge. J'aime pas la goberge. Donc, c'est chez Matthew's Pizza. C'est le Crab Deep Dish Pie. Voilà, okay. Qui vaut apparemment le détour. Une pizza si bonne que l'écrivain, auteur David Simon, pendant qu'il produisait... The Wire, sur écoute, l'émission de HBO, il mangeait tout le temps ça. Ah ouais? Ouais, il dit que « It's not like anything that calls itself pizza anywhere in the world. » C'est contraire à n'importe quoi d'autre qui s'appelle une pizza partout dans le monde. Tant mieux. Ensuite, on met des graines de citrouille à Lancaster, en Pennsylvanie. Hein? C'est la Five Seed Pie au The Fridge, c'est le nom du restaurant, à Lancaster. Vous allez vous faire servir une pizza avec un mélange de sésame, citrouille et graines de tournesol, en plus de dattes en tranches. Hey boy! OK, mais c'est pas une pizza, ça a plus l'air d'un dessert. Ben, tu sais... Mais non, c'est une pizza. Mais quoi que le sucré salé, tu sais, j'aime bien ces affaires-là. Ouais. Tu sais, la sauce à l'ancienne, super sucré cassonade, là, sur une pizza, c'est tellement bon. C'est vrai. Ah, bien. Ensuite, de la salade à Los Angeles. OK. Ouais, c'est vraiment bizarre. La salade, ça devient mou sur du chaud, hein? Ouais. Mais bon, donc, évidemment, on est obsédé par l'image à Los Angeles et on essaie de sauver sur les calories en mettant de la laitue sur nos pizzas. Grey Block Pizza utilise de la pâte de bagel comme croûte pour leur pizza à la salade. Ils remplissent ça de laitue romaine, de légumes hachés et de feta infusé de citron. C'est épais, croustillant et fait prendre moins de poids. Mais tu sais, comme t'as-tu du fromage? T'as pas l'air d'avoir du fromage, non. Parce que le fromage, t'as l'air d'avoir, gras. Par contre, un petit peu de sauce tomate. Je crois que oui, sinon ça doit être j'ai un petit badigeonnement de quelque chose, et c'est vraiment pas épais, là. Vraiment pas. Il y a des tomates là-dedans, des piments, des concombres. Ensuite, on met de la sauce barbecue à Memphis, au Tennessee. Je pense que c'est classique quand même pour la classique, place. Classique, ouais. Le poulet barbecue, c'est toujours classique sur une pizza. Mais si vous voulez le faire correctement, il faut aller à Memphis et demander du... Oh, ça dit du porc. Oh, d'accord. Oui, du porc barbecue. Donc, Coletta's, c'est le nom de la place. Prends votre croûte standard et trempe ça dans du porc effiloché et leur sauce barbecue signature. Leurs pizzas sont tellement bonnes que Elvis Presley avait un compte là-bas. Il demandait au colonel Parker, son gérant, de payer sa facture à tous les mois. Donc, il allait au restaurant, il mettait ça sur son compte, comme on appelle ça. Tu peux runner un tab, qu'on appelle, dans les bars et les restaurants. Oui. Donc, il accumulait ça, et une fois par mois, son gérant payait la place. Wow! C'est cool, hein? Et en passant, si vous n'êtes pas local là-bas, vous pouvez commander coletta's.net, vous faire livrer ça par la poste. Je sais pas, ça dit qu'on peut se faire livrer ça par la poste. Si vous vivez à l'extérieur de la région et que vous voulez goûter... Oh, y a-t-il une pub qui joue par-dessus? Oui! Attends, c'est quoi? Attends, je veux l'entendre. C'est, c'est troublant un peu. C'est sorti, ça a sorti d'où, ça? Oh, wow, mais ça met dans l'ambiance, là. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's J'adore ça. Merci Coletta's Restaurant de nous faire vivre des émotions comme ça. C'était allé sur le site internet pour avoir ça? Coletta's.net. Ils sont comme dans les années 90 où les affaires jouaient tout seuls. Ah oui, c'est ça, exactement. C'est super le fun. Ensuite, on met des patates pilées sur sa pizza. Ouh, à New Haven. Ça serait le genre de pizza que ma mère mangerait. Elle trippe sur les patates pilées. Mais oui, mais pilées. Qui ne trippe pas sur les patates pilées? C'est tellement... Mon père. Ah, pour vrai. S'ils sont bien faites, là, ça doit être parce que ta mère ne les fait pas comme faux. Non, elle les fait très, très bien. Ah, ouais. C'est juste que ce n'est pas un amateur de patates. Pas de grumeaux. Il n'aime pas les patates en général. Les patates. Donc, mais il aime les patates frites. Les patates frites. À New Haven, dans le Connecticut. New Haven, qui est déjà connu pour sa pizza. Qui était déjà connu, pardon, pour sa pizza avant que les propriétaires de Bar. Ça, c'est comme appeler son restaurant. Restaurant. Mm-hmm. Ça s'appelle Bar. Ouais. A décidé d'amener ça à un tout nouveau niveau. Donc, leur pizza aux patates pilées est remplie de patates fouettées et des morceaux de bacon. Bien. Eh boy, hein. Comme en fait, comme une pleure de patates. Tu sais, ces fameuses pleures de patates avec du bacon puis de la crème sure. Genre, ouais, c'est ça. Ça ressemble à ça, en tout cas. Ça ressemble un petit peu à ça, mais sans la pleure, là, c'est vraiment juste l'intérieur. C'est et t'as des échalotes. Échalotes. Ensuite, on met. C'est pas on met quelque chose. Là, je disais que c'est des garnitures, mais celui-là fait l'exception à la règle. C'est une pizza pas cuite. Attends. On appelle ça Ohio Valley Style. C'est à Steubenville, en Ohio. OK. Étrange, hein? Donc, certains blogueurs comparent ça à manger une pizza dans un Lunchables, tu sais, là. Oh mon Dieu, les petites pizzas au micro-ondes. Ce qu'on mangeait au primaire, secondaire, les petits biscuits ou les petites c'était pizzas carré, avec des... Là. Ouais, c'est dégueulasse. C'était carré, t'avais exactement, honnêtement... Un pepperoni. Deux pepperoni, mais t'étais capable de le couper en quatre, ça te faisait quatre bouchées. Ouais. Mais bon, ça, c'est un mauvais souvenir. On va essayer de répéter l'expérience. À Steubenville, les gens aiment ça faire cuire la pâte et ensuite ajouter du fromage pas cuit et les garnitures post-mortem. Okay. Donc, après qu'on ait fait cuire la pâte, on rajoute les garnitures, mais sans les faire cuire au four. Tu comprends? Donc, tu mets le fromage, tu mets le pepperoni, tu mets les piments, les tomates, peu importe, mais la pâte est déjà cuite, puis tu fais rien de plus. Les gens sont bien bizarres en Ohio. Ouais. Donc, ça permet à la croûte, à la chaleur de la croûte de faire fondre le fromage par le dessous. OK. Ou sinon, on utilise une boîte pour emporter, pour faire cuire par la vapeur de la chaleur de la croûte dans la boîte. OK, je comprends, ouais. C'est quand même, ça a du sens. Ça a du sens. Mais c'est ça pas fait pareil. Pas, ça cuit pas, ça fond. Ça fond. C'est pas, t'auras pas le fromage gratiné, là. C'est ça. J'ai pas l'idée. Je sais pas si j'aimerais ça. Et on termine avec, évidemment, le plus punché des items, des articles qu'on va mettre sur notre pizza, c'est de la viande de kangourou à Sydney, en Australie. C'est bon, sans lécher le doigt, hein? C'est ça? T'avais juste un poil sur ton doigt, c'est quoi que t'avais? Non, je regardais si je saignais du trou dedans. Donc, ceux qui aiment l'aventure dans leur viande pourraient aller à Sydney, où les restaurants locaux comme The Heritage Hotel offrent des pizzas garnies de viande de kangourou, de viande riche de kangourou, dont des tranches tendres marinées dans le poivre et dans la sauce aux olives et aux oignons. Voilà. Okay. L'hôtel peut aussi vous servir une tranche de pizza au crocodile d'eau salée. Mais tu vois, je pense que je serais du genre à moins me sentir mal si je mange du crocodile que si je mange du kangourou. parce qu'il regarde sa face. Le exactement, tu sais, moi, Skippy, là, je l'aimais. Mais oui, mais moi aussi. Oh, tu sais, c'est comme manger du cheval ici, versus un canard, exact. Mettons. Ouais. Tu sais, les gens vont plus être tendus vers le canard. Ils vont plus pencher vers. Ouais, c'est ça, en tout cas. Voilà. Est-ce que je. Non, je pense que je vais arrêter là. Hein. Ouais. Parce qu'on a une invitée spéciale. On a une invitée spéciale et on a un invité spécial pour nous présenter cette invitée spéciale. Exactement. C'est pas pire. Hein? Donc, au retour, David Ferron reçoit Rosie Vallant à son heure de qui est ça. Aujourd'hui. C'est fou! 89. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Qui ont ce jeudi 17 novembre 2016. Tania Molin. Et Mathieu Plante. Oh, les choses se passent vite aujourd'hui. Et dans quelques instants, David Ferron va parler avec Rosie Vallant de son spectacle qui a lieu ce soir. Mais avant ça, c'est le moment de savoir ce qui se passe partout sur le campus dans l'Info Campus. Voici maintenant l'Info Campus, présenté par le journal Zone Campus. Le dimanche 20 novembre prochain aura lieu au CAPS de l'UQTR le tournoi de financement de badminton pour les Patriotes. Le tournoi se déroulera entre 8h et 18h. Plus de 300$ en prix à gagner. Pour s'inscrire, bad.uqtr@hotmail.ca. Le coût d'inscription est de 25$ pour les adultes et 20$ pour les juniors. Le mardi 22 novembre aura lieu le speed dating des conseils d'administration des entreprises d'économie sociale de 17h à 19h. Le but de l'activité, recruter des jeunes au sein des CA et la chasse-galerie est l'hôte de l'événement. Veuillez confirmer votre participation à Jacinthe avec un i à commercial.esmauricie.ca. Une confirmation est un engagement de votre part. Les courses de l'environnement et du développement durable vous interpellent? L'Association universitaire du Bac vert est à la recherche de nouveaux membres. Pour manifester votre intérêt à faire partie de cette association, écrivez à Bac vert, BACCVERT, à commercial@hotmail.com. La cinéaste et scénariste Chloé Robichaud sera à l'UQTR le vendredi 18 novembre. Madame Robichaud est notamment connue pour le film Sarah préfère la course, sélectionné dans la catégorie Un certain regard au Festival de Cannes. L'entrée est gratuite, l'activité se déroulera au 1200 pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Faites part de votre intérêt à manon.côté@commercial.uqtr.ca. C'était votre capsule Info Campus. Pour d'autres nouvelles, lisez Zone Campus et visitez zonecampus.ca. C'était bien sûr l'Info Campus, écrit par David Ferron, le rédacteur en chef du journal Zone Campus, lu par Tania Baudin, ici présente. Oui. Monté par moi-même, donc un vrai travail d'équipe, assez fou, c'est génial. Parlant de David Ferron, il est avec nous, David Ferron, salut! Salut! Ça va bien? Ben oui, merci, vous deux. Absolument, absolument. Comme jamais. Yay! Yay! Récemment, tu as eu la chance de rencontrer Rosie Vallant. Oui. Où ça? T'es allé où pour ça, David? Au Presse Café. Ouh. Oui, et puis on était accompagné, en fait, d'Alexis Gamache, ouais. Ben oui, exactement. Donc, qui est, en fait, stagiaire à la Maison de la Culture. Qui a été journaliste aux Zones Campus l'an dernier. Exactement. Donc, c'était vraiment très sympa comme entrevue. J'avais peur un peu parce que Mme Vallant a une univers quand même assez définie. Elle sait de plus en plus où est-ce qu'elle s'en va. Donc, dans ce temps-là, c'est toujours intimidant. Plus ou moins. Oui, exactement. Au moment de faire l'entrevue, non. Ben, en fait, j'étais bien préparé. Ben oui, ben toujours. David est un professionnel de son travail. Ben oui. On essaye. On essaye. Je suis pas le mec Gauthier des entrevues, pas encore. Ça viendra. Oui. On écoute l'entrevue de Rosie Vallant. Oui. Qu'est-ce que tu lui as demandé pour commencer, voir? Ben, je lui ai demandé, en fait, si c'était la première... Une question bien okay. Bébête, là. Oh, oui. Bien bébête, bien basic. Est-ce que c'était la première fois qu'elle venait à Trois-Rivières? On écoute sa réponse. Non, j'ai joué au Zenob, au petit pétac, feu petit pétac, j'ai appris aujourd'hui, mais aussi en première partie d'Ariane l'année passée. Ah, quand même. Donc, ouais. Ça roule pas mal. Puis, je voulais savoir, justement, parce que vous commencez à avoir de l'expérience par rapport aux tournées. Mm-hmm. Est-ce qu'on commence à être aussi à l'aise en tournée que pour faire qu'en studio, que pour écrire des albums et les produire? Bien, c'est sûr que la dernière année, j'ai fait pas loin de 100 shows, là. Fait que ça m'a. Okay. Tu veux pas, j'ai quelque chose qui s'est imprégné un peu plus en moi quand je fais des spectacles, puis je suis un peu plus à l'aise, c'est clair. Puis là, on achève la tournée, donc le spectacle est rendu mature, il est rendu rodé. Donc, ouais, c'est sûr que je suis pas à la même place que je l'étais il y a un an. Puis en fait, qu'est-ce qui a changé à part l'aisance? Est-ce qu'au niveau musical, au niveau du setting, je peux utiliser ce mot-là, ça a changé ou l'esprit est le même, mais c'est... Mais l'esprit est le même, c'est sûr, mais le spectacle a changé, il a évolué beaucoup, puis en plus, j'ai eu aussi un changement de formation parce que Jesse McCormack, ben son projet, il s'en vient, ben il va très bien en ce moment, puis il est pas mal tout le temps partout à travers le monde, donc il a fallu que je le laisse aller, mais je l'ai remplacé par Frédéric Levac, membre de Pandaléon, donc... Ça a changé quelque chose dans le son, c'est sûr, mais ça, c'est aussi... Ça a juste évolué d'une autre façon. Puis le fait, initialement, de se départir, je peux dire ça comme ça, de Jesse McCormack, est-ce que ça a été au début quelque chose de difficile ou c'était vu comme un nouveau défi? Mais c'était vu comme un nouveau défi, puis c'est aussi arrivé à un moment où j'étais capable de... Okay. Tu sais, je pense que j'avais... Dans notre relation, on était rendu là, puis moi, j'étais super fière que lui, son projet fonctionne mieux, puis moi, j'étais capable de prendre les rênes maintenant, là, à ce moment-là de mon projet, puis j'avais plus confiance en moi. C'est sûr que si c'est arrivé il y a un an et demi, j'aurais peut-être pas réagi de la même façon, mais là, j'avais fait mes devoirs, j'avais roulé pas mal avec Ariane aussi en solo, donc ça m'avait donné cette confiance-là. Là. Puis, je vais parler un petit peu, en fait, surtout de partir avec de Norris, parce qu'il y a des trucs vraiment très intéressants quand j'ai fait mes petites recherches. Et, en fait, justement, de parler avec Jesse, vous avez beaucoup de jamais pour faire partir avant, une fois que la chanson a été écrite, parce que vous avez dit que vous avez écrit très vite les chansons, beaucoup de chansons en peu de temps. Mais là, vous avez pris du temps quand même de jammer. Est-ce que ça a été une espèce de catalyseur, une espèce de défouloir, ou ça a été comment? Clairement, là, tu sais, Partir avant, c'est un album qui est pas structure. T'sais, c'est vraiment quelque chose que j'ai écrit en réaction à quelque chose, à une coupure. Puis j'ai pas eu l'impression. Tu sais, souvent, un premier album, c'est un amassis de chansons qu'on traîne depuis longtemps. Mais tandis que moi, dans ce cas-là, c'était toutes des nouvelles compositions, c'était toutes des trucs qui sortaient rapidement. Puis on a enclenché le processus d'enregistrement assez rapidement aussi après. Ça a été long, on a enregistré pendant quasiment un an, mais les chansons, ils sortaient automatiquement. Donc, il y avait quelque chose de très intuitif d'en partir avant, tandis que Nord Est, ça a été un autre processus complètement différent. Est-ce que ça a été fait plus vite? Parce que ça a quand même pris 6 mois entre partir avant et Nord Est. Mais les compositions ont été plus longues à faire sur Nord Est, parce que j'ai vraiment travaillé les chansons, mais l'enregistrement a été plus court. On dirait que j'ai voulu vivre l'inverse. On dirait que partir avant m'avait apporté des trucs, mais j'avais envie de moins travailler en studio, d'être plus condensé. Un 10 jours avec tout ensemble, on a fait Nord-Est dans un bloc, donc c'était une autre affaire. Ouais. Et on sent quand même dans Nord-Est qu'il y a une énergie plus rock aussi. Est-ce que justement, il y a le côté, pas agressif, mais le côté plus instinctif qui ressort justement, le fait que ça a été plus vite, est-ce qu'on s'est laissé plus aller? Oui, il y a quelque chose de plus assumé, là, je pense, dans Nord-Est, puis c'était pour ça que ça m'appelait de le faire aussi rapidement après partir avant. Il y a quelque chose de plus assumé, de la cohésion entre les trois gars puis moi était comme à son pic. Là, moi puis Jesse, on était vraiment dans une belle complicité. Il y a tout ça qui transparaît dans Nord-Est, je trouve que c'est une des forces de ce petit EP-là. Puis justement, en fait, c'est bizarre ce que j'ai posé comme question, mais dans Partir avant, on dit partir avant, mais partir devant quoi? Et là, Nord-Est, on sait où est-ce qu'on part. On s'en va, justement, Nord-Est, c'est quelque chose qui marque la fin d'un cycle créatif ou l'aboutissement de quelque chose par rapport à Partir avant. Ouais, c'est comme si Partir avant, j'ai senti le besoin de mettre un point après, puis c'est Nord-Est. Puis moi, maintenant, là, avec le show justement que je m'en viens présenter, je vois ces deux albums-là comme quelque chose qui se répond, puis quasiment comme un album, justement. Là, en spectacle, maintenant, je travaille les deux autant. Je fais pas plus. Je fais quasiment toutes les pièces des deux albums. Donc, il y a quelque chose qui se complète dans les deux. Donc, ouais, je pense que pour le prochain album, le deuxième, tu sais, ça va être quelque chose d'autre. Mais ces deux albums-là se répondent, je pense. Ah, OK, c'est complémentaire. Ouais, c'est ça. C'est deux frères ou deux amis. Ouais, vraiment. Puis, en fait, aussi, ce que j'avais remarqué, peut-être que c'est n'importe quoi, ouais. Mais dans Partir avant, les chansons, ils ont une ou deux mots. Ils durent à peu près le même temps, à peu près 4 minutes, tandis que dans ouais. le Nord-Est, ça peut durer entre 1 minute et demie, 6 minutes. Les titres, c'est plus hétérogène. Est-ce que justement, on s'est laissé plus salé? Est-ce que ouais, il y a quelque chose d'assumé là, quand même là, dans Nord-Est. La grosse différence aussi, c'est que Partir avant, là, je commençais, puis après ça, Nord-Est, j'avais déjà 40 shows dans le corps avec Ariane, Moffat, avec les premières parties. Il y a quelque chose qui s'est installé là, puis qui était plus assumé, même vocalement. Je trouve que dans Nord-Est, je me suis donné la possibilité de chanter bien plus que dans Partir avant. Fait que moi, il y a tout ça il y a toute cette évolution-là qui semble courte, mais en même temps, c'est dans les premières années d'une carrière, c'est tellement intense là, que j'ai l'impression d'apprendre. T'sais, en un an, j'ai tellement appris, donc... Puis là, est-ce que vous avez plus l'impression ça, d'être plus sur des bases solides, d'avoir, ben, pas une routine, mais d'être plus confortable en tant qu'artiste, ou ça va parce que vous faites quand même pas si pire tourner quand même? Ouais. Donc là, est-ce que vraiment on a le temps quand même pour la créativité, ou c'est vraiment l'énergie pour la tournée? Ben, moi, j'arrête jamais d'écrire, là. C'est tout le temps quelque chose que je traîne, comme... C'est toujours là, parce que justement, j'ai peur des périodes d'écriture, parce que je trouve ça intense. J'aurais peur de, comme, arriver là, puis de plus me rappeler, ou... En tout cas, je sais pas. Encore là. Ouais, tu sais, j'essaie de nourrir cette partie-là tout le temps, mais c'est clair, là, c'est ça. Non, il y a quelque chose qui... Le doute est toujours là, mais il y a quelque chose de plus assumé, peut-être. T'sais, j'ai moins... Je fais ce métier-là, puis là, j'ai envie, puis je suis comme là-dedans. Là, ça fait partie de ma vie maintenant, tandis qu'avant, je voulais que ça fasse partie de ma vie, fait que c'est pas la même énergie. T'sais. Mais là, il y a une plus grande confiance. Ouais, c'est ça. Parce qu'on sait que ça va bien. Oui, c'est ça. Il y a une réponse, puis le public aussi, puis ouais. Et justement, là-dessus, vous dites que vous ne parlez pas beaucoup devant le public, mais le public est quand même très enthousiaste. Les commentaires, justement, des gens qui vont voir sont très enthousiastes. Mm-hmm. Donc, comment on réussit à, justement, établir un contact qui n'est pas nécessairement, comment je dirais ça, très placoteux, mais tout en ayant une connexion avec le public? Bien, moi, l'idée d'un spectacle, puis c'est ce que j'aime quand je vais voir un spectacle, c'est la musique. Tu sais, je pense que tu peux inviter des gens, tu peux apprendre aux gens qui est-ce que t'es sans nécessairement parler, puis je pense que c'est la force du spectacle, c'est ça. Tu sais, je pense que j'invite les gens dans mon univers, mais d'une autre façon que de raconter ce que j'ai fait le matin, tu sais. Mais je les invite dans cette bulle-là musicalement, puis je pense que c'est la force, puis c'est ce qui fait que justement j'adore mon public, parce qu'il respecte ça, il est curieux, puis il grossit de plus en plus, mais je trouve que c'est ce qui... rallie tous les gens qui aiment mon univers, c'est ça, c'est ce respect-là pour la musique. T'sais. Oui, puis c'est sûr qu'en plus nos chansons, sans être hyper explicite, on en dit beaucoup de manière très concise, mais dans Partir avant, j'ai l'impression qu'on voit plusieurs cycles de la rupture. Est-ce que c'est comme un album de deuil? Oui, clairement. Moi, j'ai fait cet album-là, puis ça m'a fait du bien, puis je chantais que j'avais sublimé tout ce que j'avais à sublimer, puis je pense que c'est ce que les gens aiment là-dedans, tu sais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rejoignent dans ça, tu sais. Puis c'est ça, en fait, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas nécessairement besoin de parler. Tu sais, à un moment donné, mes tunes, ils en disent beaucoup, puis si en plus, entre chaque tune, fallait comme des fois, j'ai l'impression que je me répéterais aussi, tu sais. Si je commençais à expliquer toutes mes chansons, bien après ça, dans la tune, je te dis littéralement ça, donc, ouais. Des fois aussi, côté d'interpréter aussi. Je sais pas si les gens font part des fois des témoignages par rapport à vos chansons, comment ils consomment. Ben oui, vraiment, aussi. Vraiment. Mes chansons sont tellement intimes, sont tellement... j'en dévoile beaucoup, donc nécessairement mes fans m'en disent aussi beaucoup. Fait que c'est une belle relation. Ah, ben oui. Puis, par contre, il y avait une chanson qui m'intriguait, c'est Nucléaire. Parce que je cite la phrase. Il y a une phrase qui dit « Mon corps est un chemin que les hommes prennent encore. Nos voix sont des armes nucléaires. » Est-ce qu'on peut dire que c'est la toune engagée de l'album? Mais c'est une toune féministe, ouais. C'est okay. Vraiment, j'ai écrit cette toune-là, puis c'est drôle parce qu'elle est encore actuelle, là, mais c'est ça. Mais c'est vrai de ça, c'est de à un moment donné, j'ai réalisé que moi, dans ma tête, j'étais libre, puis j'ai été élevée de façon à jamais me poser de questions, puis j'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire. Mais à un moment donné, en vieillissant, tu te rends compte que c'est pas vrai que je suis aussi libre qu'un homme. Il y a des trucs que je peux pas faire, puis quand tu te mets à regarder autour de toi, mais tu vois aussi plein de cas, fait que c'est un peu... Ouais, c'est une chanson là-dessus. Cette chanson-là, est-ce que ça a été faite en fait après avoir créé les autres chansons? Est-ce que c'est une chanson qui a été écrite en... C'est une des plus vieilles en fait, ouais. Puis c'est drôle, des fois t'écris des chansons, tu sais pas trop de quoi ça parle, puis c'est peut-être plus tard que j'ai comme compris que j'allais parler de ça, fait que j'ai peut-être réarrangé les paroles en conséquence, mais ouais, c'est une des plus vieilles. Ben, en tout cas, un très gros merci pour l'entrevue, puis on a hâte de voir le 17. Merci. Mon corps est Rosie Vallant et la pièce nucléaire à Assemblage requis. C'est David Ferron qui faisait l'entrevue avec Rosie Vallant juste avant. Il est toujours avec nous, David. Bonjour. Parlons du spectacle. Oui, ça aura lieu le jeudi. En fait, ça va avoir lieu ce soir. Tonight is the night. Oui, et pour 21,50$, vous allez pouvoir l'avoir à la salle Louis-Philippe Poisson ce soir au centre-ville. Et vraiment, je suis sûr que c'est un univers très intéressant. Vous écouterez ses albums et ses maxi. C'est excellent. Puis il va y avoir même un article là-dessus dans le sixième numéro de Zone Campus. Sixième qui est le prochain. Dans trois prochain, semaines. C'est ça, dans trois semaines, qui va être le dernier numéro de la saison automnale. C'est un spectacle juste avec elle, Rosie Vallant? Ben, je pense que oui, d'après ce que j'ai vu, peut-être qu'il y a une première partie que je ne sais pas, mais peut-être que c'est une belle surprise. Peut-être, mais l'important, c'est de voir Rosie Vallant. Toi, t'as écouté pas mal ses albums, t'as écouté sa musique pas mal. Est-ce que t'as une pièce à nous conseiller pour aller pour se quitter? Hey, c'est dur, parce que Nucléaire, je trouvais que c'était tellement représentatif. Là, comme ça, par cœur, on dirait que c'est dur à... Sur parce l'album que... Partir avant, mettons... Ben, peut-être non, son maxi, parce que Nucléaire, c'était justement sur son album Partir avant. Je dirais peut-être plus... sur Nord-Est. Oui. Mm-hmm. Je me rappelle même plus, parce que c'est plus rock. On a vu le côté, mettons, Partir avant. On a vu, c'est ça, le côté plus ambiance, plus folk ambiance. Tandis que là, dans Nord-Est, il y a un côté plus rock. OK, donc la pièce qui débute, qui ouvre l'album Nord-Est, ensuite Nos Guerres, Concessions, Lille et Camille-Vent. Donc on écoute Nord-Est, ça te va? Oui. Parfait. On va écouter ça. On t'écoute, toi, David Ferron, dans la chronique qui porte le fond qu'on écoute en ce moment, qui est les mardis, une fois de temps en temps, avec ta chronique La Carte Beachée, quand ça t'adonne. Sinon, la chronique du Zone Campus, qui est aussi le mardi à 8h30 pour parler du plus récent numéro. Donc, mardi prochain, tu vas être avec nous. Puis vous pouvez lire le blog également. Oui, blog qui est entretenu de ces temps-ci avec pas mal de nouvelles. On aime ça. Ben oui. On a parlé en beaucoup plus en détail que les médias locaux de ce qui s'est passé avec le football. À l'UQTR, j'ai cité ton article dans la chronique de Tania tantôt. Ah, merci. Parce que les autres médias, eux autres, ils disent plus de détails dans le journal de papier demain. Mais oui, moi, je peux avoir la nouvelle de suite ou je peux l'avoir demain, on va prendre de suite. Ben, c'est bien, c'est pour remporter. C'est pour remporter, exactement. Alors, on t'écoute aussi à ton émission, à toi, c'est les mercredis soirs à 19h, L'Op Trotter. Tu l'as fait hier? Ben oui. C'était une émission standard, là. C'était plus ton spécial mexicain. Là. Non, ben on a fait un petit hommage à Leonard Cohen. Ah, on dit-tu Leonard ou Leonard? Leonard Cohen. Leonard. C'est ça, on prononce pas le O. Non. OK, c'est ça. C'est comme Barbara Streisand. Barbara. C'est bien compliqué. C'est pareil comme Barbara. Oui. Donc, Club Trotter, c'est mercredi à 19h. Ceux qui ont manqué le spécial sur Leonard Cohen, ça va rejouer ce soir, jeudi à 18h. En fait, c'est juste deux chansons de son dernier album qui est vraiment excellent, qui est réalisé par son fils Adam. Donc, jeudi 18h aussi et dimanche à 16h pour les rediffusions de Club Trotter. Merci, David, pour ton entrevue. Ben, ça me fait plaisir. Merci de m'avoir accueilli encore une fois. Ça fait plaisir et on espère pouvoir te raccueillir bientôt avec d'autres entrevues. On sait que t'aimes bien ça faire ça une fois de temps en temps pour te donner un petit défi de plus. Hein, oui, exactement, me mettre dans le bain du journalisme. In the bath. Yeah. Voilà. Merci, David. Oh, on se quitte avec la pièce Nord-Est sur l'album du même nom par Rosie Vallant. Tout de suite à l'Assemblage requis. À revenir,

pour aller faire chauffer ça. Pendant que nous, on parle de la grosse nouvelle du moment, Tania, t'as peut-être vu passer ça sur Facebook que Toblerone a moins de triangles qu'avant. Quoi? Non, j'ai pas vu ça passer. Je suis même pas au courant. Ça t'émoustille. Ouais, vraiment, ça m'émoustille. Moi, ça m'insulte, en fait. C'est les fans du Royaume-Uni de la barre de chocolat suisse Toblerone qui se sont réveillés en malheur et en sursaut en ouvrant leur emballage de Toblerone pour couper les frais, les coûts. Les fabricants de Toblerone chez Mondelez International ont redessiné la barre avec moins de monts et vallées. Mais pourquoi? Parce que comme ça, ils peuvent faire une barre de la même longueur. OK. Tu comprends? Donc, la barre mesure la même longueur. Et d'habitude, tu sais que les pyramides sont entrecoupées de petits creux. Ouais. Mais ils sont d'habitude collés les uns sur les autres. C'est difficile même de les écartier. Donc là, ils ont changé ça pour vraiment des petites montagnes avec de grandes, grandes distances entre. C'est vraiment laid quand J'aime pas ça. T'as comme vraiment moins de chocolat. C'est absolument pas beau. Les gens en rient sur Internet. C'est ridicule. Donc, la décision a été faite parce que les prix des ingrédients augmentent. Sur la page Facebook de Toblerone, ils ont pris le temps quand même au moins de l'écrire. Ils ont partagé la nouvelle pour pas que les gens le découvrent par eux-mêmes. Pour s'assurer donc que Toblerone puisse rester en affaires, que ça reste pas cher et que ça retienne les formes triangulaires, ils ont dû réduire le poids de seulement deux grandeurs de leur barre et seulement au Royaume-Uni. Donc ces deux barres-là, la version 400 grammes et la version 170 grammes, font maintenant 360 et 150 grammes respectivement grâce à des creux plus prononcés. Évidemment, les fans de Toblerone n'aiment pas du tout ce changement-là. Un utilisateur sur Twitter a dit que le redesign était une déception complète de barres de chocolat. Un autre comparait ça à un rack de vélo, un rack à bicycle, avec Alain Lefebvre, le pianiste, et Amos Darak. Donc, le look classique était supposé rappeler les montagnes suisses. Rappelle maintenant plus. Ah, que c'est beau, David, d'amener le sac. Tu peux l'amener à Tania, s'il te plaît, c'est Tania qui va l'ouvrir. C'est ça, Toblerone. Qui a changé. Évidemment, les gens sur Twitter, oui, c'est chaud. Les fans sur Twitter ont commencé à faire des blagues en enlevant complètement sur la barre tous les petites drôle. Montagnes. C'est vraiment très drôle. Allez voir les photos sur la page d'assemblagerequis.com. Donc voilà pour cette nouvelle-là. Breaking news, David est de retour avec le sac de barbecue mesquite cuit à la marmite à l'ancienne. C'est quoi la marque? C'est à l'ancienne? C'est Yum Yum. Yum Yum. Ah, c'est Yum Yum. C'est Yum Yum. C'est Yum Yum. Donc, Tania, dans le micro magique, va nous ouvrir ça. Il y a vraiment beaucoup d'air à l'intérieur, là, comme c'est compacté. Clairement à cause de la vapeur du micro-ondes. Ouais, c'est ça, mais le sac gonflait ouais, la dernière minute. Ça fait vraiment comme un sac de popcorn. Oh. Est-ce que l'odeur était là dans le local? Non. Non, OK. Non, mais je sens qu'il y avait... Est-ce une fente hein, pour l'ouvrir, Tania, une petite fente en haut? Fais juste déchirer la fente. Hey, j'aime vraiment le bruit. Merci, Mathieu. Ça fait plaisir. Oh! Oh! Oh! Mais je sais pas si les chips vont être molles à cause du micro-ondes. Ouais, mais moi non plus, je sais non. pas. J'espère qu'il s'est fait pour. Oh. Ça sent bon. En tout cas, David, je vais prendre ta petite napkin. Je vais t'en mettre 2-3 dessus. Merci beaucoup. Ça va être gras. On va voir les traces de gras sur c'est la... C'est sûr. Ça vient de table. Oh, ça me fait penser aux Lays, en fait. Oh, okay. Je t'en ai mis plus que 2-3. Pas mal. Mathieu, je vais aller te porter tes petites chips. Sérieusement, puis, ça... voulez-vous savoir c'est quoi que j'aime beaucoup présentement, juste à la vue, comme ça? Il y en a qui sont pliés. Oh, j'aime ça, les pliés, c'est doublement crunchy. Sérieux, qui aime pas les chips pliés? C'est tellement pas une bonne idée. T'as vraiment mal installé ta napkin, là, juste pour te dire. Ouais, mais je sais. Mais check bien ça. Livraison à domicile, on aime ça de même. Oui. David, on fait du travail d'équipe, il y a juste moi qui bouge pas ici. Ben toi t'animes, c'est toi le pocheur de sac. Et voilà, c'est moi qui ai décidé de prendre ce produit-là. Ben oui. Mais je pense que c'est une bonne idée parce qu'à la base, un sac de chips normal au barbecue, ça aurait été super plate. Ouais. Là, il va être chaud, c'est la raison de l'essayer. Je prends le reste du sac, non, tu prends pas le reste du sac, t'as Mais non, c'est une blague, je peux pas. C'est trop croustillant pour le trou dedans. Mais pour vrai, ça sent vraiment bon. Sent très bon. Oui. Ça sent vraiment les chips Lay's, par exemple, au barbecue, hein. Ah oui. Ouais, les barbecues à l'ancienne encore, faut rappeler que Lay's a deux sortes de barbecue. Bon, est-ce qu'on est prêts? J'ai essayé de fermer ça le plus étanchement possible. Étanchement possible. Wow. C'est comme ça que tu disais ça? Non, donc... Étanche possible. On est prêts? Ça va être difficile, d'abord. Ouais, je sais, c'est pour ça qu'il y a David là. Non, c'est quand même tiède. C'est pas super chaud, j'avoue. Ah ouais. C'est bon chaud. C'est très à l'ancienne. Très bon chaud aussi, ouais. Je pense qu'on pourrait faire ça chaud avec pas mal n'importe quelle sorte de chip. mais de les mettre dans le sac et de pouvoir les chauffer dans le sac, c'est ça la différence. C'est vraiment cool. Ouais, mais fais attention parce que si tu mets un sac de chips ordinaire, des fois, non, non, il y a de l'aluminium. Mais ouais, mais c'est ça, celui-là, il est conçu pour ça, mais là, l'affaire, c'est... Tu peux pas le remettre au micro-ondes. Non, parce qu'il est déjà ouvert. Fait que t'es comme obligé de le manger one shot. Ah, ou d'acheter deux sacs. Moi, ou d'acheter deux sacs. J'adore l'idée. Mais très bon point, ou David. Ou d'y manger frais, température sac. On va juste répéter de ne pas mettre n'importe quel sac au micro-ondes. Oui, s'il vous plaît. C'est le plus de fois possible, faut le dire. Moi, j'adore ça. Je trouve ça super bon. J'aime le barbecue à l'ancienne. Je pense que je préfère ça au barbecue salé. Moi aussi. Moi, en fait, ce type de barbecue-là, c'est mon barbecue préféré. Le salé, là, c'est comme trop piquant. C'est très bon. Pouce en l'air. Pouce en l'air. Ah oui. 3 pouces en l'air. Wow. Génial. Ouais. Bon. Je m'essuie les mains. Tout va bien. On passe à des nouvelles de fast-food maintenant. C'est le nouveau cheeseburger fait maison, mais home style. Style fait maison de la part de Burger King. Donc, c'est le barbecue. On aime ça, le croustillage derrière, c'est le fun. Donc, chez Burger King, le Homestyle Cheeseburger, c'est comme un cheeseburger normal, mais avec une rondelle de bœuf d'un quart de livre, la même que dans leur Whopper. Ouais, c'est gros, hein? Avec tomate, laitue, mayo et oignons blancs. OK, là, faut mettre quelque chose au clair, par exemple. Pourquoi on met des cornichons chauds dans des hamburgers? Moi, je trouve ça dégueulasse. Moi, j'adore, mais tu sais, c'est chacun selon son goût. Chez Burger King, j'imagine que tu peux demander de ne pas les mettre. Tu peux tout le temps le demander, en fait. Ouais. Fromage jaune, cornichon, moutarde jaune et ketchup sur un pain sésame. On parle de 550 calories pour ce homestyle cheeseburger chez Burger King. Ensuite, un Spotted, c'est aux États-Unis, les Pop-Tarts à saveur de Dunkin' Donuts, Vanilla Latte et Chocolate Mocha. Ça a l'air génial. Donc, en édition limitée, évidemment, Pop-Tarts aussi, ils font plein de saveurs spéciales. À chaque mois, on dirait qu'il y en a une nouvelle. Ici, ils se sont assemblés avec Dunkin' Donuts pour offrir les mêmes saveurs que leur boisson froide. Donc, mocha au chocolat, évidemment, c'est un petit peu redondant parce que mocha, en tant que tel... C'est mocha, là. C'est du chocolat, là. On s'entend là-dessus. Mais c'est pas grave, c'est une bonne collaboration. Je pense que ça pourrait avoir du succès. Et les saveurs, des fois, sortent de façon annuelle. Donc, ici, c'est marqué l'édition limitée. C'est vrai. On se demande combien de temps ça va durer. Ensuite... C'est la nouvelle pizza de chez Little Caesars. C'est une croûte farcie, non seulement... Oh, David a l'air d'aimer ça. Moi, quand j'étais en... Ben, je peux-tu raconter mon anecdote? Ben oui, vas-y. Parce que quand j'étais en Ontario, j'étais quasiment à côté d'un Little Caesar. Puis là, quand je suis revenu au Québec, puis que j'avais appris qu'il n'y aurait plus jamais de Little Caesar dans ma vie, j'ai fait mon deuil. Ah, triste. Mais tu peux y retourner, tu sais. Ben, ça coûte pas cher. Une médium... C'est genre même pas 6 piastres. C'est ça, exactement. Ben, c'est ce que ça dit ici. La nouvelle pizza, je crois qu'ici, c'est une large 10$ américain. Donc, c'est leur nouvelle pizza croûte profonde, là, deep dish style. Ouais. Mais à la place d'avoir une garniture au fromage dans la croûte, comme chez Pizza Hut, c'est une garniture au fromage avec des petits bouts de pepperoni entourés autour du fromage. Vraiment génial. Donc, ça, c'est la large avec 8 coins. 8? 8 coins. Point. Comment ils font ça, je sais pas. Mais j'imagine que c'est 2 fois 4 pouces. Par... Non, c'est des carrés. Donc j'imagine que c'est 2 fois 4 pouces, puis ils mettent ensemble, sûrement. Ça fait 8 pouces. Comme une slab. Une slab de pizza, exactement. Oui. Donc ça a l'air super bon, fromage fondu et pepperoni dans la croûte. 10$ américains pour la large. Un autre Spotted, c'est les Frosted Flakes à la cannelle. Enfin, ça s'en vient en 2017. Ça fait apparemment très longtemps que Kellogg's agace ses clients avec des céréales à la cannelle. On retourne en 2004. On disait que Kellogg's avait sorti les Tony's Cinnamon Crunchers, qui n'a pas duré très très longtemps. Et puis ça a été ça a quitté le marché rapidement et ça a été absent sur le marché depuis. Ensuite, en 2010, on avait Shrek Forever After qui était au cinéma et Kellogg vendait des cornflakes à saveur de cannelle. Mais c'était pas des Frosted Flakes à la cannelle, c'était seulement des cornflakes. Et maintenant, en 2017, on va avoir des Frosted Flakes, oui, à la cannelle. On va voir si ça s'en vient au Québec un jour. Ensuite, on va chez Oots Wavy Hell of a Good Bacon Horseradish Potato Chips. Hey boy. Donc, ce sont des croustilles au réfort et au bacon. Ugh. Oh, ça doit être bon. Ok, oui, c'est par la compagnie Oots. Wavy, c'est leur, c'est le fait que c'est des comment t'appelles ça? Ondulé, merci. Hell of a Good, je sais pas ce que ça veut dire. J'imagine que c'est bon pour vous ou encore que c'est bon au goût. Hein? Et donc, réfort, c'est l'affaire qui sort par le nez. Là. C'est l'espèce de radis bizarre qui te sort par les narines aussi que t'en manges. C'est mais spécial. Ça donne une très belle twist dans les sandwichs. Oui, mais quand t'en mets juste un petit peu. Juste un petit peu. Et ensuite, Del Taco qui nous amène ses plateaux. P plateau comme dans des repas congelés, mais c'est le, ils vont servir votre repas comme ça au restaurant. Donc ça vient dans un petit rack de plastique, pareil comme un repas congelé, mais c'est un vrai repas. Ça s'appelle donc les Platos, P-L-A-T-O-S. C'est des repas individuels avec une entrée, du riz fresca lime. T'as des pinto beans, donc les fèves qui sont cuites à la marmite très tranquillement. Et des croustilles et de la salsa, tout ça dans le même emballage, sauf les chips qui viennent dans un petit carton à part. Donc t'as plusieurs options. T'as le chicken verde wet burrito. T'as le carne asada wet burrito. T'as le beer battered fish tacos, donc un taco au poisson à la bière. Et deux street tacos au poulet mariné. Mais dans des racks, comme si tu le faisais cuire dans le micro-ondes. C'est merveilleux. C'est un peu particulier. On y va avec un autre spothead, c'est chez Walmart. Great Value Late Night Cravings. On a déjà parlé plusieurs fois de ces bouffes que t'es supposé manger en fin de soirée après avoir bu de l'alcool. Et ici, c'est des bouchées de beignes. Donut Bites, et c'est des Stuffed Donut Bites à saveur de pépites de chocolat et pâte à biscuits, ou sinon beurre d'arachide, buttercups, caramel, chocolat et arachide. Donc t'es supposé faire, en fait c'est congelé, et t'es supposé manger ça directement. Non, t'es supposé faire cuire ça. Cook and heat, pas heat, mais eat, comme faire cuire et manger. Donc Late Night Cravings, j'imagine qu'on va recevoir ça ici aussi. J'ai pas encore vu leur Late Night Cravings, mais je vais rarement chez Walmart. Ouais, c'est vrai. Ensuite, on va chez Starbucks, qui à chaque année, depuis quelques temps, fait controverse parce que les verres des fêtes ne sont plus aussi festifs, Noël et autres. Donc les chrétiens catholiques américains n'arrêtent pas de chialer que Starbucks est contre Noël. Donc cette fois-ci, ils n'ont pas seulement sorti un verre rouge pour les fêtes, ils en ont sorti 13. Donc je pense que les gens vont pouvoir arrêter de chialer. Vas-y, t'as Si je me souviens bien, ils sont tous basés sur des dessins qui ont été faits par des gens qui avaient des copes rouges avant. Ah, impossible. Moi, j'ai lu que c'était par différents artistes. OK, ouais, c'est ça. C'est des gens qui ont tous dessiné sur les copes Starbucks avant ceux de Noël, mettons. Ouais, exactement ça. T'as tout à fait raison. C'est exactement ça. Et ça vient de 6 différents pays, de partout dans le monde. Et ça exprime l'esprit de la saison. On se rappelle, il y a quelques semaines, il y avait eu la sortie de leur verre vert. Oui. Donc les gens chialaient parce qu'il n'y a pas de verre rouge, donc ils sont anti-Noël. Ils ont sorti un verre vert avec un seul. C'était plein de d'affaires, mais dessiné avec un seul trait, un peu comme dans le dessin animé avec une seule ligne qui faisait tout en même temps. Oui. Donc ça faisait le tour du verre, c'était une seule ligne. Donc là, maintenant, ils ont sorti leurs 13 verres, comme tu as dit, dessinés par des gens de partout dans le monde. À un événement à New York, ça a été révélé. Le CEO de Starbucks, Howard Schultz, a dit qu'ils avaient eu beaucoup de controverses et beaucoup d'acharnement de la part du public par rapport à leur verre rouge. Donc, sans le savoir, il y avait beaucoup de gens qui ont décidé que peut-être que Starbucks n'était pas assez dans l'esprit des fêtes. Ça a créé une grosse tempête et maintenant, les verres, on les a ramenés. En 8 jours, Starbucks a reçu 1200 soumissions avec le hashtag Red Cup Art, avec de beaux dessins dessinés en blanc. L'inspiration peut venir de la nature, des traditions de la saison. Certains sont super intenses, alors que d'autres sont super calmes et rappellent des livres d'histoire. Vous pouvez voir les photos sur assemblagerequis.com. Ensuite, on va chez Pizza Hut avec la célèbre boîte à trois tiroirs qu'on a ici au Canada. Je me rappelle l'avoir vu sur leur site. J'ai jamais commandé ça parce que je suis seul, hein. Mais quand même. Donc, c'est leur Triple Treat Box qu'on appelle, qui est maintenant disponible en version des fêtes pour 2016. C'est pour un temps limité, bien sûr. C'est une boîte à trois tiroirs qui coûte seulement 20$ américains. Ça inclut deux pizzas moyennes avec une seule garniture. Ça, pour vrai, une seule garniture, je trouve ça cheap. Ça veut dire que tu mets juste genre pepperoni fromage. Une garniture, c'est le pepperoni. C'est tout. Exact. C'est plat. Ça vient avec une portion de petits bâtonnets de pain. OK. Qu'on voit dans le troisième tiroir, celui en bas. T'as le gros biscuit ultime de Pizza Hut que j'adore. Là, je suis tellement en amour avec ce biscuit-là, Hershey's, qui vient dans le troisième tiroir aussi. Donc, ça fait tiroir du haut, une pizza, tiroir du milieu, une autre pizza, et tiroir du bas, le biscuit et les baguettes. Et ça vient avec un petit code pour la chance de gagner potentiellement une Xbox One, ainsi qu'une télécommande, une commande de Xbox personnalisée rouge de Pizza Hut. La chaîne est donc assemblée avec Microsoft pour donner une Xbox One S à chaque heure d'ici au 24 décembre 2016, au total de 1140 Xbox One S en tout, via les codes qui vont être donnés dans cette superbe boîte de Pizza Hut à trois tiroirs. Je vais juste aller voir sur le site de Pizza Hut, là. Je sais que je l'ai vu au Canada, elle a un nom en français. T'as pu. Pizza. Allez. Il l'a pas sur la page d'accueil? J'aurais aimé ça, ça aurait été cool. C'est long, hein? Trop long, je pense. J'abandonne. Un dernier clic, ouais, j'abandonne. On y va avec un autre bloc de nouvelles. Il nous reste pas beaucoup de temps, là, vraiment. On va y aller avec une dernière, tiens. C'est le GIF. On parle du beurre d'arachide Jif. Oui. On a une petite critique. Apparemment, que les gens, y a bien des places dans le monde où on ne peut pas avoir de Jif. Donc, on a fait une petite critique et on a sorti, on nous apprend dans cet article-là qu'il y a le nouveau Jif à la cannelle. Mmh. Beurre d'arachide à la cannelle aux États-Unis. Je ne sais pas comment on pourrait faire pour imiter la recette ici au Canada. Au tu Québec, mets de la cannelle dedans, je ne sais pas. Dans ton beurre de pinot puis tu le brasses, peut-être. Ouais. Ça pourrait être ça. Essayez-le. Mais sinon, ça existe aux États-Unis. Vous allez pouvoir vous en procurer sur eBay facilement, certainement. Voilà, je pense qu'on va devoir arrêter là pour ce bloc de nouvelles d'une grosse pointe à l'adresse et pour la chronique en général. Merci David Ferron pour ta participation encore. Ben merci de m'avoir invité pour de la super bonne bouffe. Ben merci et Colin, t'as bien fait ça. Oui, je suis fier de moi. Bravo, quand il s'y met. On va terminer donc, comme je disais, l'émission ici parce que Julien Liberté s'en vient dans quelques instants à partir de 9h30. Après ça, après Junior Liberté, à 11h, ce sera Patriote en action, émission sur les sports universitaires. Ensuite, à midi, la rediffusion du Mathieu Plante Show. À 15h, la diffusion de la sortie de secours est à votre gauche. 16h, la diffusion de Radio Sonic. 18h, la diffusion de Lob Trotter avec David Ferron. Allô. Oui, allô. À 19h, on est de retour en direct avec l'émission Très Blues Assez Fou, animée par Denis Baudin. C'est la programmation sur CIF.ca, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. Lundi, à l'émission, une autre semaine commencera. On aura Valérie Deschamps à 7h30 pour sa chronique politique et d'actualité. Et à 8h30, tu vas nous faire sport et filoché. Oui. Comme on le fait toujours le lundi. Mm-hmm. Comme j'ai dit, Génie en liberté s'en vient, mais non, on va se quitter avec une pièce des Hey Babies sur le palmarès francophone. Oui, on parle de la pièce Pour le mal, pour l'amour, pour le mieux. Et on se retrouve lundi à 6h30. Bye ouais, tout le monde, bon café. Oui. Et si tu n'es